tell you, I forget to thank you. Oh, I forget to tell you, I forget to thank you. Avec un instant la troisième nouveauté de la soirée, c'était Yes avec My Only sur la belle Defected Records. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. On enchaîne sur la quatrième avec un duo de feu. Mr. V et Alix Alvarez. Mr. V qui a mis le feu à chaque soirée, comme d'habitude. Hein. Il était aussi donc à la conférence de Miami. Tout à fait, ouais. Il a été vraiment dans beaucoup de soirées. C'est vraiment les mecs qu'on a. Alix Alvarez n'y était pas, mais Mr. V était présent un peu partout. Avec toutes ses sorties, ben, il présente un peu tous les labels. Et avec son style bien un peu. Il aime bien faire l'MC au-dessus d'un peu tout le monde. Ça, d'accord. Ça a son... ben, d'ailleurs, c'est lui qui chante sur le morceau. Donc c'est le morceau Move sur le label Soul Channel Music, label d'Alix Alvarez. Et on reconnaît très bien sa patte. On va reconnaître sa voix tout de suite. Un peu rap. Peur au-dessus de ouais, la c'est house. Vrai. On a écouté ça en pré-écoute avant et ben ça donne un petit côté sympathique et c'est un son typiquement américain qu'on a entendu en boucle et qu'à mon avis on entendra beaucoup encore. C'est sorti la semaine dernière. Another time, another zone, man, we don't play. We just say, get your ass up, come on. Shake it fast, don't pass out, come on. Shake that ass, don't act up, cause we shut you down. Hot damn, let's go, work it out. Watch me now, break it down. As we take it to the top, don't stop. Just pop, just rock, just show me what you got. Don't stop, just get out the way when we come to the club, man. We don't play, move from left to right. We come here to party, is that alright? So don't stop, what you doing now? We got a funky beat and a brand new sound. So get your ass shaking. Matter of fact, let me call my friends. Jesus, Conrad, Byron, Linda, Archie, Marcy, Marjorie, Curly, Stacy. Can we just make some space for me? I got energy, I'm in a place to be. And I wanna see all my friends at once. Make a circle right now. And I wanna see all my people jump in the party right now. And throw them up, let me see your hands. Let me see y'all raise it up. Just dance and make moves, do splits, footwork, break dance, pop lock, up rock, New York, Japan. Can't forget France, all world, all crew, my fans. Come on. Get out the way when we come to the club, man, we don't play. From left to right, we come here to party, is that alright? So stop, what you doing now? We got a funky beat and a brand new sound. So get your ass shaking, throw your hands up now. Let me see y'all dance to a funky sound. And just get out the way when we come to the club, man, we don't play. From left to right, we come here to party, is that alright? So stop, what you doing now? We got a funky beat and a brand new sound. So get your ass shaking, throw your hands up now. Let me see y'all dance. Alexis avec un instant l'avant-dernière nouveauté de la soirée, c'était Mr. V et Alex Alvarez avec le titre Move, disponible sur le label Soul Channel Music. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc label de Alex Alvarez, et donc un titre qui donne vraiment envie de bouger, ils ont bien choisi le titre. www.soulchannel.com. Impeccable. Et maintenant, donc forcément, le coup de cœur. Ben, le coup de cœur qui a vraiment tourné partout, dans, aussi bien dans les soirées minimales que les soirées house, donc on va entendre ça tout de suite. On l'a déjà joué. On va découvrir ça. Voilà. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Alors justement, s'il y a une bombe à retenir pour cette conférence de Miami, c'est celle-ci, hein, c'est ça? C'est bien ça. Donc avec l'artiste Son of Ro, qui en fait qui est plus connu sous le nom de Dennis Ferrer, avec le titre Black Man in Space. Donc un titre qui a la particularité, comme je le disais, d'être joué aussi bien par les artistes minimal que les artistes house ou même des artistes un peu plus commerciaux, car y a le petit sax qui fait son effet. Je vous laisse l'écouter, même si on l'a déjà découvert ici. Donc avec le sax, la version sax sur le label Objectivity, on retrouve tout de suite Dennis Ferrer, Son of Ro. Somebody once said that there is no soul in space. Stacy avec un instant le titre de la Winter Miami Conference. C'était à l'instant le Son of Rough avec le Black Man in Space. Le Sex Mix. Hein, Sex Mix, oui, pas Sex Mix. Hein, ah, non, pas Sex Mix. Hein. Oh, ah ouais, quand même. Hein, hein. Going Je n'avais pas vu. Going Out, ils font pas dans le détail, hein, surtout sur le verso. Donc, c'était le titre justement à retenir hein, de la conférence. Je ne m'en lasse pas personnellement et on va l'entendre régulièrement, je pense, dans la région. C'était déjà le cas. D'accord. Eh bien, écoute, oui, c'est vrai que c'est déjà joué sur Galaxy. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera peut-être s'il y a un décalage entre les nouveautés de l'Europe, en fait, et avec celle des États-Unis, par exemple. Tout à fait. On fera le petit point là-dessus. Voilà. On éclaircira certains doutes qu'on peut peut-être avoir. Allez, place tout de suite à l'agenda Galaxy avec justement, les paysages électroniques festival qui se déroule ce week-end. Notez-le, il y aura beaucoup d'artistes qui seront présents, notamment des artistes émergents ou encore reconnus, des locaux ou même des internationaux. Il y aura donc James Swayzak également, UFO, Dr. Nojok, Alto également, Marco Furstenberg, également Dan Rimini et plein d'autres encore, donc je ne citerai pas parce que la liste est très très longue. Bref, il y aura des disques jockey, vidéo jockey, artistes multimédia qui vous proposeront différents shows assez exceptionnels. Si vous voulez plus d'informations, eh bien rien de plus simple, vous allez sur leur site internet www.paysage-electronique.com, histoire de vous dire qu'il se déroule non seulement du côté de l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, mais aussi au Tripostal de Lille. D'ailleurs, si vous avez pu suivre France 3 hier, on ne rigole pas, toi t'étais à Miami encore hier, ouais. Donc tu peux être excusé. Donc eh bien, ils en ont parlé donc cette semaine, ça se déroule en tout cas jusqu'au 5 avril. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, justement, c'est un artiste qu'on va découvrir. Tout à fait. Dans un premier temps. Bah, on va parler un peu de Ralph Gomme. Donc, un artiste qui nous a beaucoup touché, on va dire, à la Winter. Vous l'avez vu là-bas directement? Il a joué à notre soirée directement. D'accord. Donc, on avait l'occasion d'écouter déjà quelques-unes de ses prods dans l'émission, mais là, on l'a découvert en tant que DJ. Et vraiment, c'est lui qui a lancé la soirée, vraiment, qui a bien mis le feu. Sympa, le mec? Hyper cool. Un Allemand. Vraiment, ouais, un bon Allemand qui sait bien faire la fête. Avec un nom comme ça, on peut-être plus dire c'était un Américain. Oui, tout à fait, mais bon, il assume. Hein. Je me doute bien. Alors, Ralph Gomme. Donc, en fait, Ralph Gomme, il a une petite devise. J'aime bien trouver les devises un peu des DJ. Ah, donc, nous, on aime bien les entendre. Hein. Ça tombe bien. Donc, il décrit son style. Sa devise, c'est Harmony, Soul and Groove. C'est ce qui caractérise un peu le son, aussi bien qu'il produit et qu'il mixe. Donc, il produit déjà depuis 1993. Il a commencé à mixer en même temps qu'il s'est lancé directement dans la production. À l'époque, il n'y avait pas tant que ça de DJ ni de monde qui produisait, comme ouais, maintenant, c'est en plein essor. Il a signé pour de très prestigieux labels, notamment Tommy Boy, un label qui faisait de la funk, qui a produit aussi Bob Sinclair, etc. Aussi Peppermint Jam, un label allemand très connu, il y a beaucoup de tubes, beaucoup de repressages. Il a depuis peu, maintenant depuis 4 ans, il me semble, créé le label Gogo Music. Très bon label. Label vinyle. Label vinyle, oui, il sort encore beaucoup de vinyle et je pense maintenant qu'il va... Des sorties digitales. En fait, ils font un peu les deux, quoi. Quelques exclus tout le temps, en digital. Ils sortent quelques exclus avant en digital et on peut retrouver après plus ou moins les disques, même si ça devient dur, mais on continue à avoir des combattants et des guerriers du vinyle et c'est bien. Et c'est tant mieux. Il en faut. Voilà, tout à fait. Et donc, son label, il se produit beaucoup avec des vocalistes, toujours des morceaux très chantés et toujours remixés par les plus gros. Il y a eu Frankie Feliciano qu'on entendra tout à l'heure. Il y a eu Rao Artistic Soul. Ouais. Donc vraiment des artistes qui caractérisent le mouvement un peu garage, deep, très chanté, toujours très classe. Donc pour un label allemand, c'est rare de diffuser ce son, mais c'est un des meilleurs labels allemands niveau deep house. Et donc un label à découvrir, Gogo Music. Il est résident depuis 98 dans le même club. Eh oui, le Studio Lounge à Wiesburg. Ça se trouve où ça? En Suisse, en Allemagne? En Allemagne, voilà, ouais. Tous les vendredis depuis 98, donc ça doit faire 10 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Il est fidèle au poste et il a vraiment invité beaucoup de monde là-bas. Et sa soirée à la WMC a cartonné aussi, la soirée Gogo Music avec Jamie Lewis, quelques artistes comme ça, vraiment bien sympathiques. Et il a tourné. On l'a vu à la fin d'ailleurs, il était épuisé. Ouais. Combien de soirées ils font un peu les DJ qui sont à la conférence de Miami sur 5 jours, quoi. Les gros artistes, on les retrouve trouve au moins à une bonne huitaine de soirées minimum. Donc il tourne vraiment beaucoup, que ce soit en journée dans les magasins ou en club le soir ou dans les hôtels l'après-midi, ils sont vraiment partout. Ouais, parce que là-bas, il faut le dire quand même, apparemment, c'est 24h sur 24, ça n'arrête pas. Hein. C'est 24h sur 24. Donc c'est 5 jours sans sommeil. Voilà. Ça va, c'est le marathon. T'es pas trop marqué encore hein, par ça la fatigue. Non, j'ai quand bien. Même su un peu me reposer là-bas aussi. Ah, c'est il faut bien. Savoir faire la part des choses. Un petit peu de vague Un petit peu de vague. Et donc on va écouter c'est pas la dernière parce qu'il y a une qui est sortie depuis, mais un titre, très bon titre de Ralph Gomme. Donc le titre c'est Kissing Strangers, remixé par Frankie Feliciano. Donc c'est sorti il y a 2 mois, on vous l'a présenté aussi également dans l'émission Arctic Soul, pardon. C'est sorti sur le label Gogo Music, c'est dispo en digital en vinyle, n'hésitez pas, il faut foncer dessus. Très beau vocal et le remix de Frankie Feliciano est tout simplement un délice. Et si vous voulez plus d'informations, www.ralphgomme.com. Avicii avec un instant Ralph Gum, c'est bien ça? C'est bien ça, avec le titre Kissing Strangers, remixé par Frankie Feliciano sur le label Gogo Music. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, après l'artiste de la semaine, eh bien, c'est le label de la semaine. Voilà, un label belge, très connu dans le coin, puisque ben, on connaît très bien son créateur, donc Raoul. Donc c'est le label Aroma Recordings, ben, d'ailleurs label d'actualité, puisqu'il fête ses 10 ans la semaine prochaine. Donc j'en ai profité un peu pour en reparler, parce que 10 ans, c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est surtout bien. Surtout qu'il continue à sortir des disques et à privilégier le disque par rapport au digital, ce qui est plutôt bien. Donc, ben, le label a été créé en 1998 avec quelques premiers tracks bien sympathiques. Un premier qui est souvent joué en rétro, c'est le Crico Castelli Life is Changing. Ouais. Ensuite, beaucoup d'artistes sont passés. Le label a évolué. Au début, on a retrouvé des artistes un peu plus deep, genre Miguel Mix. Beaucoup d'artistes américains ont signé dessus. Puis, très vite, avec l'évolution musicale de Raoul, c'est parti un peu plus dans la Funky House. On peut retrouver beaucoup d'artistes de Chicago, Noah Assembly Required, East Coast Boogeyman, des artistes belges également. Très dernièrement, il y a eu Vernon D'Acosta qui ont signé quelques projets dessus. Beaucoup d'albums donc de Swirl People, vu que c'est leur label sorti dessus. Deux albums, donc le dernier Special Combo qui était vraiment vraiment vraiment bien. Le label donc a plusieurs subdivisions. Une toute nouvelle qui est née il y a à peu près 6 ou 7 mois, qui s'appelle A Second Smell, en rapport à Aroma. Aroma, le goût, le Second Smell. Ah, il joue un peu autour de ça. Pas mal. Voilà, c'est un petit clin d'œil, à mon avis. Il doit y avoir du petit clin d'œil là-dessous. Et donc avec pas mal de petites sorties aussi, hein, toujours un peu dans le même esprit, funky, deep, toujours classe, bien chanté. Avec quelques artistes on va dire un peu moins connus, ils laissent la place un peu plus aux jeunes. À la nouvelle génération, bien voilà, sûr. Et donc c'est pas plus mal. Et donc c'est vraiment un label qui est marqué, très connu dans la région, soutenu par dans le monde entier. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller aux soirées à Roma dans plusieurs endroits, notamment à Miami l'année dernière. Est-ce qu'à Miami ils y étaient? Il n'était pas là cette année. C'était la première année depuis 8 ans qu'il n'y était pas. Et ça s'est ressenti peut-être un petit peu. Il y en a beaucoup qui ont demandé de ses nouvelles, parce que c'est quelqu'un de très respecté là-bas. Et le label est vraiment très respecté là-bas aussi. Beaucoup de DJ. D'ailleurs, les disques sortent en Amérique avant l'Europe. Alors justement, tiens, c'est intéressant que tu dis ça. Est-ce qu'il y a un gros décalage qu'on a pu constater il y a quelques années, voire une dizaine d'années, entre les sorties aux États-Unis et puis les sorties en Europe? En fait, ça dépend un peu les styles. Aux États-Unis, tout ce qui est électro et tout ça, ça sort à mon avis beaucoup plus tard. En faisant les magasins de disques là-bas, on s'en rend compte. C'est beaucoup, beaucoup club, beaucoup house, genre Bob Sinclair, etc. Ouais. Ça marche très fort. Roger Sanchez, tous ces artistes un peu plus house. Par contre, tout ce qui est un peu plus électro, minimal, etc., ils ont un peu plus de mal avec ça. Et sinon, c'est au niveau deep house, ils sont vraiment très calés, avec beaucoup de gros labels américains qui sont très difficiles à trouver en Europe. Donc à mon avis, il y a un peu des deux. Il y a des labels européens qui sont difficiles à trouver là-bas et d'autres labels qui sont... Donc il y a pour les deux. Mais maintenant, je pense que même par ici, avec le digital, on est à la pointe. D'accord. Et Bilout, monte le son. Tu l'as trouvé à Miami? Je l'appréparais, celle-là. Ah, celle-là, non, je ne l'ai pas vue. Je ne connais pas d'ailleurs. Je te fais le plaisir de ne pas le diffuser quand même. Oh, tu pourras me l'offrir en promo, je pourrais jouer à l'esquive. Écoute, il est tout neuf celui-là. Je te remercie, Guillaume. Joli cadeau. Voilà. Bon, donc pas vraiment de gros décalage. Non, pas de gros décalage. On est plus ou moins, on peut dire que on n'a pas à être jaloux des Américains, même si c'est eux qui organisent la Winter Music Conference. En Europe, on est vraiment à la pointe, musicalement, sur tous les styles que ce soit. C'est d'ailleurs beaucoup d'Européens qui cartonnent là-bas. D'accord, tu disais aussi quelque chose de très intéressant tout à l'heure, qu'en antenne, les gens qui étaient là-bas, qui te connaissaient, qui connaissaient ta musique, que tu passes à l'Escape, c'était pratiquement la même en fait qu'ils entendaient là-bas. Ils n'étaient pas surpris d'entendre justement ces disques-là. Tout à fait, c'est la preuve donc que vraiment on est plus ou moins sur les mêmes longueurs d'onde niveau musique. Il n'y a pas de priorité à avoir les nouveautés aux États-Unis ou en Europe. C'est tout le monde pareil. Tous ceux qui jouent sont les mêmes produits à peu près en même temps. Après, cela varie des goûts. Impeccable. Allez. Donc on va écouter une petite sortie du label Aroma. D'ailleurs, retenez bien ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc label de Raoul. Bien sûr. Raoul Bellmans. Et donc on écoute une des sorties. Donc c'est le Brown and Little Man avec le titre Change In sur le label Aroma. C'est un titre qui est sorti il y a 2-3 ans, que j'avais particulièrement bien aimé à l'époque, la version dub, mais la version chantée est pas mal non plus. À découvrir de suite ou à redécouvrir pour les amateurs. changing your mind. I'm not sure what I'm meant to do for you. You keep on changing your mind. I'm not sure what I'm meant to do for you. You keep on changing your mind. I'm not sure what I'm meant to do for you. You keep on changing. You keep on changing. Avec un instant, le label de la semaine, le label Aroma Records. Plus d'informations directement sur le net aromarecordings.com. C'est distribué par News, gros distributeur en Belgique, www.news.bf. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art & Soul. Art & Soul. Alors, c'est pas vraiment un agenda des soirées, hein? Bah, il y a l'agenda qui suivra après. Ah, on va quand même parler un peu de ce qui se passe dans le coin ou du moins en Europe. Donc, on va un peu parler de. Bah, justement, de votre soirée. Comment s'est passée votre soirée Art & Soul? C'était le premier jour, hein, vous êtes arrivé? C'était le premier. On est arrivé le lundi, ça, c'était le mardi directement. Donc, on s'est eu au téléphone avec beaucoup de difficultés, parce que j'entendais pas grand chose. Mais j'ai quand même. Bah, donc, c'était le début de soirée, ça faisait que 2 heures que la soirée avait commencé, mais ça commençait déjà à prendre, c'était en plein soleil. Il faisait chaud là-bas? Il faisait très chaud. 28 degrés en moyenne, 28-29 degrés, et le soleil tape très fort, ça donne envie. Hein. Ah, parce que là, je vois du soleil, mais la température n'y est pas. Hein. C'est un faux soleil, en fait, ça. Donc, notre soirée, on est plutôt satisfait pour une première édition. Très bonne ambiance. Combien de personnes environ? Oh, il y a dû avoir 250 personnes. D'accord. Donc, c'était dans un petit hôtel. Beaucoup de gens sont passés, beaucoup de promoteurs de soirée, beaucoup de Français, des gens, des Parisiens qui sont venus voir un peu le son tout simplement qu'on diffusait par rapport au Nord, voir tout simplement la curiosité d'un nouveau concept, parce que c'est tout simplement la première, on va dire, hors France. Ouais. Donc on est plutôt satisfait, on a eu de bons retours, que ce soit de DJ prestigieux qui sont juste passés boire un verre pour voir un peu comment ça se passait. Claude Monet nous a félicité, Sven Vaness qui était venu jouer pour nous, pareil. On a eu donc Glenn Underground qui est venu jouer, Yas, Ralph Gum, Roar qui est passé, qui n'était pas censé jouer, mais il s'est fait plaisir et il nous a fait plaisir aussi. Donc tous les gens avaient le sourire, nous on était contents de la soirée, une musique de qualité, tout y était, on remet ça l'année prochaine sûrement. Ah bah voilà, peut-être avec des plus gros artistes encore, j'imagine. Peut-être là carrément dans une boîte où c'est pour ça aussi, les contacts là-bas, ça se fait beaucoup là-bas, donc on verra comment ça se passe pour l'année prochaine, mais on croise les doigts et on espère que ce sera aussi bien et aussi réussi. Ah bah, je te le souhaite. C'est ce que nous souhaitons. Donc ensuite sinon je vais vous parler un peu de 2-3 soirées qui ont plus ou moins marqué la Winter Conference. Il y a aussi la soirée Defected qui s'est très bien passée avec un line-up impressionnant. Il y avait Mr. V, Grégory, Yas, il y avait, si je ne m'abuse, Dennis Ferrer aussi peut-être, non? Non, il jouait juste à sa soirée label Objectivity, donc il voulait pas représenter d'autres labels. Mais enfin bref, il y avait vraiment tous les gros artistes qui signent plus ou moins sur Defected les derniers et tout ça. Et apparemment, le club a blindé parce qu'à 2h, il laissait plus rentrer personne. Alors, combien ça ramène des événements comme ça au niveau capacité, au niveau personne? Ouais, au niveau des clubs, ça dépend. Le set n'est pas non plus très très grand, mais bon, on peut dire au moins minimum qu'il y a, plus de 2000 personnes à l'intérieur, quoi. D'accord, donc, quand même. C'est déjà quand même pas mal. 2000 personnes qui viennent pour écouter la musique de qualité, c'est plutôt pas mal. C'est clair. Et donc, il y a plusieurs grosses boîtes. Donc, il y a notamment le Mansion, on entend le bruit du CD, le Mansion, l'Opium Garden ou le Cameo. Donc le Cameo, il y a la soirée Fuck Me I'm Famous qui a cartonné également, donc les Français bien représentés. Pareil pour la soirée de Bob Sinclair et Axwell au Mansion qui a cartonné également. Sinon, il y avait la soirée Back to Fundamentals. Ouais. D'ailleurs, oui, on va parler du Mansion parce que dans le dernier Going Out, il y a un petit reportage dessus et tout simplement, l'endroit est magnifique. Page 42, hein, pour ceux qui ont le Going Out sous la main, c'est un petit reportage très sympa, en plus très très classe à l'intérieur. Hein. Voilà. T'as été là-bas, toi ? Oui, on a été là, pas cette année, mais l'année dernière. On est, il y a deux ans, pardon. Et on avait passé vraiment une très très très bonne soirée. L'endroit est magnifique, le son est parfait et il y a tout pour faire la fête. Très bien, impeccable. Et donc, sinon, bah, juste dernière, on va par une petite publicité pour les Français, hein, la Back to Fundamentals de Claude Monet, qu'on parle souvent dans l'émission. C'était donc hier au Nikki Beach et c'était terrible. Terrible. La fête sous le soleil, Martin Solveig, Jazzanova, DJ Gregory, Fuge, c'était la fête. Donc on peut vraiment résumer la WMC, c'était encore un bon cru, et on espère que ce sera encore mieux l'année prochaine. Et un morceau aussi qui a tourné pas mal ici, donc qu'on va vous faire écouter tout de suite, hein, c'est un petit Marlon Day. D'ailleurs, il y a un bootleg qui est passé là-bas qui a tout simplement retourné toutes les pistes. Le beat est très bon, très entraînant. Ouais. Un bon petit percu qui va arriver. C'est Marlon Day avec le Jesus Create Sound sur le prestigieux label Strictly Rhythm. À découvrir et à écouter tout de suite. Et n'oubliez pas que d'ici quelques instants, on aura l'occasion de vous offrir un maxi CD du label OM Records et justement de la conférence de Miami. Et si vous avez bien écouté l'émission, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour répondre à la question qu'on va vous poser dans quelques instants, donc juste après ce titre-ci. Ne quittez pas. Avec un instant le label Strictly Rhythm, Jesus Create Sound avec le Marlon Day et c'était le titre qui était bien quand même. Bah voilà, hein, vraiment un tube aussi qui a pas mal tourné, qui est déjà un peu plus ancien mais dont on ne se lasse pas. D'ailleurs le bootleg, si quelqu'un le trouve, foncez dessus parce que c'est vraiment une bombe. Voilà, bon, on va peut-être balancer le CD, OM, voilà. Qu'en donc, penses-tu? On va en parler tout de suite. Donc, si vous avez bien écouté l'émission, vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver. Je vais juste vous poser la question, qui est le créateur du label Aroma Recordings ? Voilà, c'était le label de la semaine. Donc voilà, on en a parlé. quelqu'un de très connu dans la région, donc normalement ça devrait pas être difficile. Je sais pas, on dit le combien d'appels, Guillaume? Dixième appel, c'est parfait. Dixième appel, 03 20 83 57 57. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous nous appelez et vous aurez l'occasion de repartir avec un CD promo du label OM Records pour tous les fans de cette musique, en plus de la conférence de Miami 2008. Hein. Donc c'est vraiment tout frais, arrivé en avion et apporté par Huggenton. De mes propres mains. Voilà. Allez, on passe au track Remember ou peut-être les infos soirées justement. Un petit agenda, oui, un petit agenda de. Bah, il y a quelques petites soirées à annoncer. No props, vas-y, on y va, juste après le jingle. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art and Soul. Art and Soul. Alors, l'agenda des soirées, si vous n'avez rien à faire ce week-end, Guillaume vous rappelle les meilleurs plans. Ben, jeudi, une petite soirée Art and Soul du côté du Network, hein, pour fêter un peu notre retour de la conférence. Ah bah tiens, tout bronzé. Ben voilà, donc c'est ce jeudi soir dans la salle VIP, donc la Art and Soul, où vous pourrez retrouver moi, Timothée, Stewie, accompagné de Nico Sacrivos, pour une soirée house, deep house. Vendredi 4, du côté du Bobino Club de Paris, on peut retrouver Paco, Charles Schilling, pour une soirée What is House Music. Du côté du cabaret, on va retrouver le très sexy Armand Van Elden pour un set exclusif. Ah ouais ? Le samedi 5, le label Defected est à l'avant avec du côté du Ministry of Sound à Londres, une Defected in the House avec Quentin Harris et Dimitri from Paris. Également du côté du Buddha Lounge à Stuttgart, une soirée Defected in the House avec Yass et Oli Roventa. Ensuite, du côté du June, on va revenir sur Paris, hein, une Animal House avec Fudge, spécial WMC aussi, Fudge qui a fait de très bons sets là-bas également. Et du côté de The End à Londres, on peut retrouver Mark Cool et Roland Apple pour une soirée un peu plus tech house. Impeccable. Bon, si vous avez tout noté, ben, je crois que vous êtes prêts, hein. Si vous avez des billets d'avion, envie de bouger, ben, vous avez les bons plans. Il faut y aller, en plus à l'équin, il y a de nouvelles destinations, voilà, et c'est vraiment pas cher, il faut pas hésiter si vous voulez bouger, découvrir d'autres sons. Voilà, exactement. Allez, on passe au track Remember. Tout à fait. Qui s'appelle Ken Lou. Donc Ken Lou qui se cache encore, c'est encore un Kenny Dope, donc une half des Master at Work, avec le titre Moonshine, d'ailleurs que Mocha a acheté il n'y a pas longtemps, sur mes conseils à la Winter Music Conference, il était tout content de le retrouver. C'est sur le label Master at Work et c'est un classique qu'on ne se lasse pas d'entendre. Art and Soul, présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Guillaume. Art and Soul. We'll be right back. Alexis avec un instant le track Remember. C'était les Masters at Work avec le titre Moonshine. Voilà, très sur bon. Le label Master at Work. Et c'est encore disponible ou alors Ça a été repressé un moment, mais difficile à trouver. À mon avis, c'est quand même assez difficile à trouver. Ouais. Quand même, ça date de 95 quand même. Ah ouais, quand même, ouais, ça fait plus de 10 ans. Hein. Voilà. Et ben voilà, ça y est, l'émission se termine. C'est déjà fini. Quand c'est tout seul, ça passe encore aussi vite. Hein. C'est vrai. Il faut excuser Timothée qui lui est encore en ce moment. Il est encore là-bas. Il va pas tarder à décoller avec l'avion. Voilà, donc après il arrivera ici en zone de dégrisement. Voilà. On va y passer quelques bains à l'eau de Javel pour effacer son bronzage. Tout à fait. Et puis il nous ramènera toutes ces conneries américaines. Mardi prochain. Il sera là. D'ailleurs, jeudi, il sera là aussi jeudi du côté du network pour la soirée Art & Soul. Exactement. À noter aussi que toutes les infos de la soirée, les photos, les vidéos de la soirée à la Winter Music Conference seront mises en ligne sur le MySpace et aussi sur le site. Je rappelle les adresses www.myspace.com/artandsoulsound et pour le site www.artandsoulmusic.net. Le site pour l'instant il y a juste le fly dessus, mais il va être étoffé très très vite à mon avis. Avec tout ce qu'on a fait à la conférence, ça risque de s'étoffer assez vite à mon avis aussi. En tout cas, on félicite aussi Frédéric qui habite Hénin Beaumont, qui a remporté donc le CD du label OM Records. Quelle était la question et la réponse en même temps, comme ça donc, qui était le créateur du label Aroma? C'était donc bien sûr Raoul. Très bonne réponse. Et puis très bon CD, tu pourras l'écouter à mon avis non-stop. Ah, ça c'est clair. En plus ça vient directement de Miami, donc nos props, hein. No problem. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas la soirée Art & Soul au Network ce jeudi soir. Okay. Tout à fait. Très bientôt. On vous attend. Et puis à mardi. Galaxy, Galaxy, Galaxy.